94 de Service Compris, émission spéciale Noël. Joyeux Noël! Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le dimanche 25 décembre 2022 et... Joyeux Noël! Oh, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour une matinale un petit peu spéciale, la matinale de Noël. Une équipe avec quelques membres de chaque jour. Nous avons Agathe du jeudi. Bonjour Agathe. Ça va? Oui, ça va. Oh, tu m'as l'air en petite forme. T'as fait la fête, toi, hier. C'était festif. Toujours. Alex, évidemment. Bonjour, Alex. Bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous. Là, toi, tu as fait l'accent un peu du Père Noël, quand même. Hein. Oui, bon. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est parfaitement. Sarah. Bonjour à tous. Ou Soro. Où Soro. Je suis tous les mercredis. Bien. Vous avez passé un bon réveillon? Très bien, c'était sympathique. Super, très bien. On parlera des cadeaux, mais pas des cadeaux qu'on a reçus cette année, mais des cadeaux parfois un petit peu pourris, vous savez, qu'on reçoit à Noël, mais c'est surtout des cadeaux collectifs. Georges. Bonjour. Dis le déterreur du mardi. Oui. Là, je vais pas déterrer parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, d'accord, ok. Et aussi notre Valentin. Bonjour à tous, joyeux Noël. Pour une fois, pas de flash info, Valentin. Pas de flash info, non. On va faire une matinale. Moins de pression, voilà. Voilà, une matinale un peu spéciale, une matinale de Noël. On espère que vous êtes en famille, entre amis. En tout cas, pas tout seul, mais vous êtes au moins avec nous ce matin. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! C'est vrai, on pourrait croire que c'était Alex, mais c'était pas lui. Tu pourras nous faire un petit, si vraiment t'en as envie pendant la matinale. Toutes les demi-heures. Oui, voilà, nous faire un petit wow wow wow, oh oh oh, wow wow wow, c'est en anglais, oh oh oh, c'est en français, voilà, hein, ça non, dépend. Non, c'est pas wow wow wow. Non, parce que j'ai voulu rajouter un W comme ça, hein, je trouvais que ça sonnait plus anglophone, tu vois, ouais, américanophone. Hein. Bon, on va commencer tout de suite comme d'habitude. On commence à peu près la matinale de manière classique avec l'éphéméride. L'éphéméride. Mais l'éphéméride, c'est un éphéméride. D'ailleurs, on dit un éphéméride ou une éphéméride? Je n'ai jamais su si on dit. Je crois qu'on dit un éphéméride. Et moi, je pense qu'on dit une. Ouais. Moi, je crois qu'on dit une. Et on fait un petit coucou à Joss qui habituellement dit les éphémérides. Elle met tout au pluriel. Donc, l'éphéméride de ce 25 décembre, les amis. C'est un nom féminin. Ah, il a cherché. Il a cherché, c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes en ce dimanche 25 décembre, le 359e jour de l'année. Quels sont les prénoms à l'honneur aujourd'hui, ma chère Sarah? Alors aujourd'hui, évidemment, nous fêtons tous les Noëls, masculins ou féminins, mais pas que. Nous fêtons Coulm, Emmanuel, masculin ou féminin, Cindy, Aldassinde. Ah, Coulm, le mec s'appelle Froid. Oui. Aldassinde, Nadalette, Nedelec et Noélie. Qui sont des noms de tiroirs sur une pièce. Ce qui est tout à fait vrai, il y a un tiroir qui s'appelle Nordli. C'est bah, tu vois. Malheureusement, je connais le catalogue Ikea, je vois vos yeux. Je connais par cœur. Hein, ils font peur. Vous avez le Nadalec en 36 par 40. Je crois qu'il est en rupture. Aldassinde, c'est la cousine de Jodassin? On ne sait pas, le déterreur. Noël vient du mot latin natalis, qui veut dire naissance, bien sûr. D'accord, voilà. évidemment. Tout s'explique. Voilà. C'est à moi. Merci, au revoir. C'était sympa. Cela fait deux fois de suite que je suis confronté à l'absence de journée mondiale pour cette chronique. Aujourd'hui, donc, aucune journée mondiale, autre que celle de Noël, bien entendu, cette fête aurait naturellement fait de l'ombre à une éventuelle journée internationale thématique. Quels sont les événements du jour? Alors, les événements du jour, on va remonter très loin, parce qu'on remonte au 25 décembre 498 de notre ère. On s'en souvient tous. C'était le baptême de Clovis. Ah, sympa. Bel événement, d'ailleurs. Ah, j'étais là. On a ri. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Toujours le 25 décembre. Très éloigné de nous, mais toujours. Toujours dans notre ère, en 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident. Et ça, on le savait tous, on l'a tous appris. Est-ce vraiment lui qui a fait l'école? Oui. Il y a encore des soupçons, on ne sait pas. C'est lui. Et enfin, un 25 décembre 1983, c'est la mort du peintre Juan Miró. Ah oui, d'accord. Miró, oui. Voilà. quelques naissances maintenant. Tout d'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Fadjet et qui sont nés un 25 décembre. Votre anniversaire tombe le même jour que celui de Dido, ou Daido, qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Ah oui, effectivement, Daido. I don't believe in love, nothing will last for me. Sur des Dido moi-même. Ouais. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Petite question, c'est, elle a fait aussi un tube avec Eminem, non ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui, Stan. Oui, oui. C'est sympa. J'ai choisi un titre un peu moins connu de la carrière de Dido, ou Daido, que j'aime bien, qui s'appelle Don't Believe in Love et qui est sorti en 2008. Savez-vous pourquoi son nom de scène est Dido ? Bonne question. Dido, Didoa. Je n'ose imaginer. Je n'ose. Oh, non, c'est ça. Ouais, eh oui, bien, ça. Parce que son vrai nom, ce n'est pas une blague, et Dido Florian Cloud de Bounevial O'Malley Armstrong. Non, c'est pas c'est possible. Court, hein. C'est pas possible. On dirait un nom, tu sais, les noms des pédigrés des animaux un peu. Voilà, princesse de couture. Ouais, j'ai jamais vu autant de parties dans un Non, mais pourquoi appeler Florian? C'est-à-dire qu'elle a des origines françaises, hein, Ah, ça par contre... Non, elle est née dans le quartier londonien de Kensington, en Angleterre. Mais... Après, ses origines... C'est Floriane, peut-être... Ah non, mais c'est... Oui, mais c'est vraiment Florian son... C'est... Ou c'est ça... C'est Écoute, je n'ai pas eu accès. Oui, mais enfin, à un moment donné, appelle-la, parce qu'un coup de fil fait quelque chose. Est-ce qu'on pourrait demander un extrait d'acte de naissance intégral? Oui. Voilà. C'est parti, la régie compose le numéro. Le numéro. Allô, Dido? Oui, c'est Noël. On sait. Bon. Le 25 décembre, et notamment le jour de naissance de Carole Rousseau qui fête ses 55 ans, d'Ingrid Betancourt qui fête ses 61 ans, de Claudie Fritsch-Mentrop. Tout à fait. Vous savez qui c'est ? Je pense que Georges doit le savoir. Non, pas du tout. Ah bon ? Claudie Fritsch-Mentrop. Georges, je suis sûr que tu dois le savoir. C'est des Irlaises qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Ah. J'adore cette chanson. John, c'est bien. John, ouais. En fait, on n'arrive pas à lui donner d'âge, je trouve. J'ai l'impression. Désirless. Ouais. Enfin, où ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Bah moi, enfin, elle a toujours cette coupe de cheveux fabuleuse. Elle a les cheveux rasés aujourd'hui. Oui. Elle fait pas la tournée Star 80. Elle a dû la faire, je crois. Je pense qu'elle l'a faite. Attends. Il y en a beaucoup qui sont passés. En tout cas, c'est bien d'avoir choisi John parce que c'est. Pas connu, ça n'a pas beaucoup marché. Oui, et c'était lié à vous savez pas, je vous pose peut-être un piège. Ça parle de la guerre. Ah oui, oui, oui. Chose comme ça. Effectivement, d'accord. Parce que John, c'est un nom assez générique et ouais. Il est confronté à toutes les guerres du monde, en même à temps, tous les exemples. Après le succès de Voyage, Voyage, je vois pas comment elle aurait pu avoir plus de succès. Ouais. Quoi. D'ailleurs, qui est repris dernièrement, alors je ne sais plus par qui, mais ça a été une chanteuse de The Voice, je crois, mais comme on aime bien reprendre un petit peu les titres, ouais. Mais bien fait, hein, très, joli. Très très joli. Ouais, ouais. J'ai entendu, en balade un peu comme ça. D'ailleurs, James, elle pleure presque en écoutant la gamine qui chante ça. Ouais, ouais, voilà. Hein. Oui, c'est une petite. Ouais. Et le 25 décembre, c'est également le jour de naissance de Noël ma mère qui fête ses 74 ans et il s'appelle Noël. Ah, c'est Noël, normal. Alors, le pauvre, déjà pas de cadeau parce que son anniversaire est Noël, il pouvait pas, tu vois, on peut pas donner de cadeau et en plus il s'appelle Noël. Oui. Noël Jésus. Ouais. Ses parents se sont beaucoup creusé la tête pour le prénom. Oui, mais c'est tu te dis, c'est quand même bon. C'est pas. Bah, surtout avec le nom de famille ma mère. Parce qu'il y a des gamins qui s'appellent. Mais c'est Noël ma mère, voyons. Donc, là, quelle horreur. Mais la scolarité, elle est horrible. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, ça doit être une catastrophe. Mon Dieu, ça, c'est du vrai harcèlement scolaire. Oui, ça, c'est... Là, les parents ont dit on lui fout tout sur la tronche. On va voir ce que ça donne. S'il arrive à s'en sortir, c'est que c'est déjà bien. C'est un prototype. Oh là là, c'est pas possible. Bon, allez, un très bel enchaînement. Oui. Alors, ils nous ont quittés le 25 décembre en 2016. 2016 nous a quitté George Michael à seulement 53 ans. It's more than... Oh là là. De son vrai nom. Que de souvenirs. De son que vrai titre. Nom, Georgios Kyriakos Panayotou. Franchement, le 25 décembre, c'est une catastrophe en termes patronymiques. Le 7 mars 2017, quelques mois après sa disparition, le service de médecine légale annonçait que sa mort était de cause naturelle puisqu'il avait différentes pathologies cardiaques. En 1995, tragédie de ceux qui ont chanté Noël, parce qu'il faut croire, Dean Martin, qui nous quittait à 78 ans, celui qui chantait Let it snow, let it snow. C'était repris mille fois. Et en 2006, nous quittait James Brown à 73 ans. En 1977, nous quittait Charlie Chaplin à 88 ans quand même. Je ne savais pas qu'il était aussi âgé. Et en 1975, un petit clin d'œil à ma chère Sarah, Gaston Gallimard, qui nous quittait à l'âge de 94 ans. Moralité, la lecture, ça conserve. C'était pas préparé. Non, elle a ses petits dictons du 25 décembre, Sarah. Hein. La lecture, ça conserve. Par Sarah, la nouvelle émission sur Fadietta. C'est bien. Elle nous prépare des virgules, c'est formidable. Elle est sublime. Dans la version duo, Sarah and Alex de l'éphéméride. Les Américains. Les Amerlocs. Nous retrouvons la traditionnelle chanson du jour. Oui. Elle n'est évidemment pas sortie un 25 décembre. Vous vous doutez que ce n'est pas le bon plan quand on est disquaire. Personne ne pourrait offrir pour Noël un disque qui ne sort que le 25 décembre. Mais cette chanson évoque tout de même Noël. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on est à la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Commercialisé fin de l'année 1984, Bon baiser de Fort-de-France entre à la 41e place du top 50 la semaine de Noël. Moi qui ai cru pendant longtemps qu'il chantait « Ce soir, on est » à la télé, alors que c'est « On éteint la télé ». Et Agathe me disait à l'oreillette, puisque nous avons une communication off. Évidemment, comme les espions. Que j'ai oublié un anniversaire et je m'en veux, Et je vais te laisser, Agathe, dire quel est l'anniversaire de qui. Eh bien, c'est Annie Lennox qui est née aussi un 25 décembre et qui fête du coup ses 68 ans. Donc vas-y, te laisse continuer. Tout à fait. Donc on l'a retrouvée évidemment en duo avec son conjoint dans Eurythmics. Je crois que c'était son conjoint. Avec tout un tas de tubes que vous connaissez, les Sweet Dreams, It Must Be an Angel, etc. Missionary Man aussi que j'aime beaucoup. Et dommage, si on n'avait pas été en direct, j'aurais pu retrouver la musique. C'est pas grave. De toute façon, j'ai beaucoup trop d'extraits musicaux dans cette chronique. Il faut, pour l'année prochaine, améliorer cela. Est-ce que nous avons des petits dictons? Alors, j'ai citation dicton en ce jour de Noël. Alors, citation que j'aime beaucoup, que je crois avoir bien choisie. Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais oublier. C'est un proverbe. Ça, pour une fois, oui, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Ouais. Par contre, et le dicton, bien sûr, que tout le monde connaît. Le livre, Noël ça concerne. Au balcon. Noël au balcon. Pas cotisons. Voilà, pas de conseil jardinage aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que c'est le 25 décembre. Et donc, Alexandre me suggérait de ramasser les épines du sapin, mais j'ai trouvé ça un peu tôt. Nous sommes J'ai peut-être un conseil jardinage, parce que je trouve... Alors, il y en a qui trouvent ça un peu ringard, mais j'aime bien les fleurs de Noël, moi. La fleur rouge. Ah, et surtout, on arrive à la tenir assez longtemps dans l'année. Oui. Moi, je l'ai tenue jusqu'au mois de juillet. Alors, elle redevient verte un peu après, mais elle redevient rouge l'année suivante. Il suffit de la tenir un D'ailleurs, petit peu si comme je ça. Peux glisser un petit message personnel vas-y. À l'admirateur secret D. Son prénom commence par un D. Ouais. S'il pouvait m'offrir cette jolie fleur comme chaque année, je crois qu'il l'a oubliée cette année. C'est bien beau de ronfler le dimanche matin parce que t'es un peu. On sait bien ce que je t'ai fait la veille. Donc il serait temps d'aller filer chez ce le fleuriste. Ça serait gentil. Tu parlais de. Let it snow, let it snow, let it snow. Donc qui à la base est de Dean Martin, évidemment. Et là c'est repris par Garou. On commence avec ça, les amis. Bon début de matinée, on le dit ainsi. Bon Noël, non c'est ça, joyeux Noël. Baiser de Fort-de-France. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I late going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Well, the fire's slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, Let it snow, let it snow, let it snow. Come on. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge, et des grands murmures s'éteignent. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Ah ouais, mais finally, qu'est-ce que n'est. How I let go and out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Well, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Let it snow, let it snow, let it snow. Et c'était notre cher Garou pour Noël qui nous chante Let it snow, let it snow, let it snow. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Bienvenue à vous mes chers amis. Et aujourd'hui on souhaite quoi? Un joyeux, joyeux Noël. Ah, et d'ailleurs, est-ce que vous, dans votre carrière de vivant, vous avez déjà eu des cadeaux un petit peu... Alors, l'intention était bonne, mais malheureusement, le cadeau n'était pas à la hauteur de vos espérances. Alors moi, c'est toujours des cadeaux collectifs. C'est des trucs, quand tu fais un Noël un peu en famille comme ça, tu peux pas acheter des gros cadeaux chers. Donc, par exemple, t'es une trentaine autour de la table. Et on avait, quand j'étais jeune, l'éternel, alors pour ceux qui connaissent, Scorpio. Ah oui, ce fameux pack de supermarché, le déodorant, déodorant avec. Il alors... y avait Brut aussi, oui, je crois. Brut. Alors je trouve que c'était un petit peu plus haut de gamme, Brut, peut-être Brut de Fabergé, ouais. Je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le truc qui te brûle bien. Ça. Alors ça c'est vrai que là, le Scorpio t'étais là et puis même l'odeur tu vois on te sentait. Par contre il y avait pas de problème on te sentait à un kilomètre. Hein. Oui. Moi on me l'offrait toujours parce que je suis du Scorpio. On me dit, oh, ah ça va bien avec toi. Ah aussi. Bah oui c'était surtout que t'étais une pince et puis que vous voulez rien acheter. C'est souvent ça le problème. Hein. C'est souvent c'est... les gens qui veulent pas mettre. J'ai droit à des cadeaux bien bien pourris. Ah bon? Genre des bougies parfumées qui puent. Est-ce que les personnes qui t'ont offert ces cadeaux peuvent écouter la matinale? Bien sûr. Bon. J'espère qu'elles écouteront. Moi j'ai même les parfums à 9 euros au prix unique, on m'a offert ça. Et alors j'en mettais pour faire plaisir à la personne qui me l'offrait. Et tu jetais la bouteille. Elle sentait mon cou, elle disait « Oh, et en plus sur toi ça vire pas !» Parce qu'en plus, ça fait, sur certains, ça fait du salpêtre. Ça fait quoi ça hein. Bon, écoutez, voilà, joyeux Noël les amis. On espère en tout cas que vous n'êtes pas déçus de votre cadeau. Non, alors vous êtes 24 ou 25 au niveau des cadeaux, vous? C'est-à-dire plutôt la veille ou le lendemain? Chez nous, moi, 24. Ça discute toujours un peu, mais on ouvre le 25 au matin. Ouais, c'est un peu, c'est un peu. C'est souvent plutôt la tradition. Le repas du midi du 25, des fois, moi, c'est un peu plus, un peu plus là. Moi, je peux pas attendre jusqu'au 25. Tu peux pas attendre? Oh, c'est... Bah, moi, c'était les deux quand j'étais petit. Ah oui, oui, c'est ça. Alors nous, il y avait les petits, il y avait les enfants la veille et les adultes le lendemain aussi. Ah, quelle belle tradition. Bah nous, on réemballait les cadeaux après les avoir ouverts le 24 pour les ouvrir le 25. En tout cas, on vous souhaite un joyeux Noël, les amis, en cette belle journée. Alors évidemment, moi je m'attendais à un petit peu d'hiver quand même, comme la semaine passée, avec un peu de neige. Mais enfin bon, il fait doux, donc ouais, c'est bon. Comme ça. Mais bon, hein, on fait ainsi. Allez, on poursuit cette émission spéciale Noël avec l'équipe de la matinale de Fadjet. Tu vas vous retrouver tout au long de cette saison, évidemment, de 7h à 8h30, les amis, du lundi au vendredi. On a un petit peu de chaque jour, hein. On est un petit comité. Non, il nous manque un peu de vendredi, un peu de lundi, mais enfin bon, on est là et on espère que vous appréciez aussi tout au long de notre saison notre matinale. Matinale spéciale de Noël, on poursuit donc avec Agathe qui habituellement... Et là, le jeudi, soit aux commandes, ou le mardi. Ou parfois le mardi aussi. Je suis multitâche. Et elle nous fait découvrir souvent des groupes de musique, c'est ça? Exactement. Donc, comme à mon habitude, et pour fêter Noël, je vais vous parler musique. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une pensée pour ces personnes pour qui Noël ne se passe pas comme prévu. Ouais. Pour ces personnes qui subissent l'oncle bourré, les grands-parents racistes, oui. La tante réac, la cousine végane et le père qui lui sert du foie gras et du saumon. Je pense à toutes ces personnes aujourd'hui et je leur envoie toute ma sympathie. Et bah, tu peux en parler à Georges parce qu'après il fait des messages Facebook personnalisés puis il se fait interdire pendant un mois. Il se fait interdire pendant un mois. Donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais vous parler d'un titre culte pour toute personne fan de punk rock ou peut-être pour toute personne réticente à passer cette journée en compagnie de sa famille. Il s'agit donc de I Won't Be Home for Christmas du groupe Blink-182. Donc, Blink-182, groupe de punk rock très connu, j'en parle dès que j'en ai l'occasion, donc voilà, spécialisé dans les musiques un peu humoristiques, dans tout ce qui est un peu énervé, dans tout le style emo et évidemment, voilà, dans tous les adolescents qui n'ont jamais grandi. C'est leur domaine à eux. Donc ce titre n'est sorti sur aucun album studio. La version single est sortie le 16 octobre 2001, mais elle existait déjà sous forme de face B pour le single Josie, sorti en 1997. I Won't Be Home for Christmas a été produite par Mark Trombino, connu pour avoir produit le troisième album du groupe, Dude Ranch, sorti en 1997. Alors les artistes présents sur ce titre, sont Marc Opus au chant et à la basse, Tom Delonge au chant et à la guitare et Scott Raynor à la batterie. Il s'agit des trois membres d'origine du groupe. Scott Raynor a par la suite été remplacé par Travis Barker en 1998, qui est désormais le membre phare du groupe et la personne la plus connue de Blink-182. À la sortie du single en 2002, Scott Raynor ne faisait donc plus partie du groupe. Le titre « I Won't Be Home for Christmas » est une parodie de la chanson de Noël « I'll Be Home for Christmas » interprétée par Bing Crosby et composée et écrite par Walter Kent et Kim Gannon. Ce titre classique du punk rock est assez inhabituel pour une chanson de Noël puisqu'il raconte l'histoire d'un homme qui ruine la veillée de Noël et attaque un groupe de choristes de Noël qui chantent devant chez lui. Il finit par être arrêté et agressé par son compagnon de cellule. C'est toujours comme ça. Je sais pas pour voilà, ceux qui connaissent un peu, c'est toujours un peu perché. Donc on peut y voir une similarité avec Scrooge du roman A Christmas Carol de Charles Dickens. Scrooge est un avare qui vit seul, qui n'est pas sympathique et surtout qui déteste Noël. Donc la chanson, devenue culte, apparaît depuis sur des compilations de Noël de style alternatif telles que MTV TRL Christmas, Kevin and Bean Santa Swinging Sack, A Santa Claus, It's a Punk Rock Christmas ou encore Shanking Up Xmas. Donc I Won't Be Home for Christmas a même été diffusé dans le film Sacré Père Noël, sorti en 1998, mais aussi dans la bande-annonce du film Les 8 nuits folles d'Adam Sandler, sorti en 2002. Mais aussi, c'est un titre réutilisé, je ne sais pas si vous le saviez, par les Simpsons pour l'épisode 9 de la saison 6, sorti en 2014. Parce que pour la petite anecdote, sachez que Blink-182 apparaît dans un épisode des Simpsons avec leur propre personnage et leur voix. Parce que chez nous, on n'a pas cette notion-là, mais en fait, aux États-Unis, Blink-182, ils sont vraiment beaucoup plus connus qu'en Europe et en France. C'est vraiment une sorte de... C'est des dieux du punk rock, en fait. Donc le single a très bien été reçu au Canada, où il est resté classé en première position des charts pendant 5 semaines consécutives entre 2001 et 2002. Cependant, ce ne fut le cas qu'au Canada, parce que dans les autres pays, le titre n'est resté dans la mémoire que des fans de Blink ou encore des détesteurs de Noël. En plus de ce titre, Blink-182 a sorti d'autres titres parodiques et humoristiques, comme un titre pour la fête des mères dont je ne peux pas vous citer les paroles à la radio parce qu'on serait censuré et je me ferais disputer par François. Dans ces titres, il y en a deux qui parlent de Noël. Il y a Happy Holiday You Bastard, qui raconte le craquage de quelqu'un qui n'a pas emballé ses cadeaux de Noël et qui insulte tout le monde. Titre sorti en 2001. D'ailleurs, si vous avez compris le titre, vous comprenez de quoi ça parle, quoi. Il y en a un autre, plus récent, Not Another Christmas Song, sorti en 2019, avec cette fois-ci Matt Skiba au chant, puisque Tom Delonge avait quitté le groupe en 2015 avant de revenir cette année en 2022. Et bien ce matin, et pour contrebalancer toutes ces célébrations histoire de Noël et toute la joie des gens. Oui, c'est ça. Voilà, moi je vous propose un peu de négatif, qu'on pleure tous ensemble. Non, je vous propose d'écouter un hymne anti-Noël, bien évidemment à prendre au second voire au 30e degré. Il s'agit de I Won't Be Home for Christmas. Qui veut dire en français ? Je ne serai pas là à Noël. Voilà, c'est ça. Bravo les enfants. We'll be right back. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. I won't be home for Christmas. La suggestion un peu punk. Exactement, toujours là pour vous proposer du punk. Et voilà, Dagat, aujourd'hui, quoi de mieux que derrière cette musique punk de mettre une belle voix d'enfant. Radio Fadjet vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et oui les amis, bienvenue, bon réveil à tous et surtout un joyeux Noël en ce 25 décembre. On espère. C'est parce que ça, tu t'es ruiné. Oui, c'est ça. Noël. En espèce, oui, je me suis ruiné, t'as raison Valentin, pour Noël. On espère que vous passez un agréable moment, en tout cas que vous êtes avec des gens que vous aimez autour de vous, c'est important. Hein. Évidemment, on pense aussi à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de passer Noël en famille ou entre amis et les fêtes de fin d'année dans leur globalité. La matinale de Fadjet continue les amis. Et elle continue avec notre des terreurs du mardi. Mais ça, mais bon, voilà, il y a le Père Noël qui lui vient par la cheminée et il y a Georges qui lui vient par le sol. Par le plancher. Alias le fossoyeur. Bon, ouais, c'est ma chronique. Hein. C'est ta chronique, on le laisse faire. Non, mais parce que Georges, tout au long de la saison, évidemment, mais là, c'est pas le cas. Hein. Ah, c'est mon 24e déterrage. Hein. Et lui, je ne le déterre pas parce qu'il est toujours de ce monde, hein, évidemment. Donc, Georges remet au goût du jour. D'ailleurs, on peut présenter un peu chacun, comme ça, évidemment, oui, que vous retrouverez. Donc, Agathe, je le disais, le jeudi ou le mardi, soit la technique, l'animation, mais en général, sur des chroniques aussi musicales, sur le Flash Info, entre autres. Et Georges, lui, le mardi, eh bien, il a pour habitude, évidemment, de refaire vivre, on va dire, revivre des stars. Mais des gens, non, mais c'est des gens qui ont eu une carrière, mais parfois très éphémère. Hein. Elle n'a pas duré longtemps. Certaines, oui. Et ont des gros succès pour certains, et puis ça s'est complètement arrêté derrière. Donc, oui, mais ils ont eu l'avantage de faire des choses parfois intemporelles, qu'on écoute encore avec plaisir aujourd'hui. Oui. Donc je suis c'est pour vrai. Le déterrage. Déterrons. Déterrons. Déterrons. Là, en l'occurrence, le garçon que je vais parler, oui, là, on a failli le déterrer parce qu'il paraît qu'il a une réputation de survivant parce qu'il a eu plusieurs maladies très graves et il s'en est toujours sorti. Donc, c'est un petit peu sa réputation. Alors, son vrai nom, c'est Christopher Anton Rea. Il est né le 4 mars 1951 et je veux parler de Chris Rea, pour être plus précis. C'est un chanteur, très bon guitariste. Il est anglais. Son style, c'est le rock, le blues. Et il est né à Middlesbrough. Alors, il a une voix très grave, rocailleuse comme ça. Il a sorti 25 albums solo, dont très peu sont connus chez nous, parce qu'il n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment décollé chez nous. Mmh. Sauf que dans les années 80, deuxième partie des années 80, entre 86 et 88, il a sorti un disque qui s'appelle Joséphine. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous rappelez de ce titre. Ant Gardien. Non, Joséphine. Désolé. Parce que j'ai vu Joséphine, Ant Gardien. Pas vraiment des chansons d'hiver, hein, parce que la Joséphine, c'est On the Beach. Ouais. Donc, c'est lui qui chante Joséphine. Oui, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça ouais. Et On the Beach. On reconnaît bien. On fait du karaoké ce matin. Celle-là, on reconnaît. On the Beach. Moi, je chante bien. Ça y est, on a une déconnexion en cours, celle de Sarah, autour de la table. Elle a aimé Joséphine en gardien. En gardien. Excusez-nous, on le laisse. Attention, on le laisse. Et je suis tombé par hasard, je ne savais pas, sur une chanson, une très jolie ballade. Où il parle, qu'il rentre pour Noël dans sa famille. Donc c'est le bon père de famille, c'est joyeux, c'est léger. J'adore. Ah bon ? Et je voulais vous la faire connaître. D'accord. J'espère que vous ne la connaissez pas, d'ailleurs. Pas probablement. On l'écoute alors. Ah bah ouais. Tu peux nous rappeler le titre ? Alors ça s'appelle Driving Home for Christmas. Et c'est sorti en 86. Qui veut dire conduire à la maison pour Noël. À la différence de toi où il faut partir. Non, c'est pas conduire à la maison. See those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Driver next to me. just the same. He's driving home, driving home, driving home for Christmas. Chris Rea. Driving home for Christmas. Je me suis trompé, Agathe, sur la traduction ? Alors, c'est pas. Comment t'as dit ? J'ai dit conduire à la maison, à Noël. C'est revenir à la maison. Ah, c'est. En est-ce qu'on a. Ne conduisez pas dans votre salon, voilà, à Noël, ça va faire un carnage. c'est pas la bonne idée, sauf les petites. Vous avez déjà eu, moi je rêvais d'avoir ça, mais ouais, ça coûtait bien trop cher. Vous savez, ces petites voitures qu'on avait. Enfin, moi j'avais des petites voitures en plastique, mais tu te mettais dedans, il y avait un petit moteur aussi. Ça coûtait bien trop cher. Moi j'ai jamais eu ça. Ça allait pas vite. Ouais, non, mais alors ça coûtait, c'était le cadeau un peu, il fallait avoir un peu de pognon. C'était 37 fois le prix du Scorpio. Ah bah oui, 37 au fois. Moins, au non, moins, moi, ouais. Noël, j'avais des cailloux, en général. des clémentines, des dents. Hein. Du charbon. Oh, les c'était pas. Du charbon. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël. Du charbon. Tu fais bien, avec tout. Et qui est à quoi et coup, hein, on souhaite quoi, Noël, les amis, à nos auditeurs de Fadjet? Un joyeux Noël. Joyeux Noël, belle fête de fin d'année aussi. À tous les Noëls, hein, qui s'appellent aussi peut-être Noël en ce jour de Noël. Comme ma mère. Évidemment, comme Noël ma mère. Alors peut-être qu'il y a des Nouvel An qui s'appellent aussi Nouvel An. Hein, des éphémérides, des Pâques. Voilà, c'est pas il y a des avant aussi peut-être. Oui. Je sais pas. Il y a une lectrice que vous retrouvez tous les mercredis dans la matinale. Elle n'est pas seulement lectrice, ça serait la réduire. Hein, C'est aussi une artiste. Et c'est une jardinière. Jardinière. J'ai suivi tous ses conseils. Je n'avais pas un seul des végétaux qu'elle suggérait tous les mercredis. Oui, il y avait les fritillaires. Hein, vous la retrouvez le mercredi. Vous la retrouvez dans ses caprices aussi. Caprices de lecture. Un jeudi sur deux. Ouais. Évidemment. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de romance de Noël, pour plusieurs raisons. Évidemment, parce que nous sommes à Noël et surtout parce que je suis une fan inconditionnelle entre le 15 novembre et le 31 décembre. Des téléfilms ? De ce genre de lecture et de téléfilms. T'as suivi une bonne partie des téléfilms, là ? Ouais, j'en regarde pas mal, mais cette année, c'était un peu moyen. Bah oui. J'ai regardé sur Netflix, j'ai commencé la série La Tempête de Noël. De toute façon, c'est sûr que. Mais, alors, moi, j'en ai suivi au départ parce que ça a commencé très tôt cette année, ouais, je trouve. Ouais, ça a commencé en octobre. Même octobre. Donc là, c'est un peu tôt, tu vois. Oui. Alors, tu commences à en prendre un peu des téléfilms de Noël, puis après, bon, bah, tu te lasses. C'est tous les mêmes après. Oui, puis, de toute façon, ils font des réalisations exprès maintenant. Si, j'ai quand même un coup de cœur très spécial sur un film Netflix qui est sorti l'année dernière et que j'ai regardé encore deux fois, c'est Les Chroniques de Noël. Je suis accro, je crois que c'est avec Kurt Russell en plus, qui joue le Père Noël. Il est extraordinaire. Et c'est génial. Qu'on soit petit ou grand, il est encore diffusé. Il est encore actuellement. Diffusé. D'accord. Alors, par contre, côté livre, je vais vous parler de trois livres, dont deux auteurs, c'est essentiellement des femmes françaises. On va commencer avec Emily Blaine, qui est un nom d'emprunt. On ne connaît pas le véritable nom de l'auteur. Elle est quand même bien installée dans le paysage français. Plus de 700 000 exemplaires vendus. Elle est expatriée dans tout le Royaume-Uni, en Autriche et en Allemagne. Ce que j'aime bien, Sarah, quand elle fait sa chronique, elle me regarde comme si elle se doutait que je connaissais Emily Blaine. Évidemment. Tu sais très bien ce que j'ai lu, Sarah, dans ma vie. Qui ? Hervé Bazin, Vipère au point. Et il te manque un livre que tu n'as pas encore lu. Il est chez moi. Alors, il est très heureux. Parce qu'il est parmi des livres comme ça. Il se sent bien. C'est avec ses amis. C'est lequel déjà ? Les Bacchantes. Les Bacchantes, c'est vrai. Je l'ai toujours pas lu. Tu ne te souviens même pas du nom. Non, mais de toute façon, je suis. Il fait semblant. Je suis vraiment un mauvais élève. Vraiment un mauvais élève. Donc là, je vais vous parler du livre qui s'appelle Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Pourquoi ce livre ? Parce que c'est un livre très drôle. La première fois que Nicolas a rencontré Louise, il l'a prise pour une folle furieuse qui essayait de voler des bocaux de cornichons, dans son caddie. La deuxième fois qu'il l'a vue, il venait défoncer la porte des toilettes où elle était coincée. J'ai peur. Et en fait, ça y est, ça commence. Non, ça va pas être possible, les garçons. D'accord, vas-y. Non, et en fait, c'est une histoire d'amour complètement improbable entre une rockstar hyper connue et une fille qui est complètement passionnée par son métier de chocolatière. Lui, il va essayer de jouer un peu de son charme et de son aura médiatique, mais elle, le seul truc, c'est qu'elle ne le connaît pas. Donc, il va y avoir plein de quiproquos, il va déployer des plein d'astuces pour essayer de la séduire. Je ne vous dis pas la fin, bien sûr. Il y a du lait de poule, comme j'aime bien. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien le lait de poule, toi. De l'argent, du chocolat, de la gloire et du romantisme à souhait. Ah, de la neige, des cadeaux. Sa miel. Alors, dans un tout autre genre, maintenant, je vais vous parler du dernier livre d'Aurélie Valogne qui s'appelle La Ritournelle, qui était sorti en mars 2022. Et pourtant, à mon sens, c'est un livre de Noël. C'est l'histoire de Anne qui a une vie professionnelle plutôt bien agitée, une vie de famille plutôt aussi très agitée parce qu'elle a 3 enfants. Et le 24 décembre au matin, sa mère l'appelle en lui disant « Au final, Noël se passera chez toi. » Ah, mince. Elle n'a absolument rien prévu. Et comme on le voit en ce moment un petit peu dans tous les journaux télévisés, c'est la course dans les supermarchés, bah les oui, derniers cadeaux. Vite, le foie gras, les crevettes, les trucs. Le scorpio. Ça ne se passera, exactement. Ça ne se passera absolument pas, évidemment, comme c'était prévu. Ses parents, elles, sont séparés. Son père va débarquer. Ça fait 15 ans qu'elle ne l'a pas vu. Elle doit aussi recevoir son frère, sa sœur, avec les beaux-frères, les petits-neveux. Oh, pardon. Bref, l'angoisse absolue, ce n'est plus une fête de Noël, c'est une fête qui n'en est pas une. Je n'en dirai pas plus, Aurélie Valogne, elle aussi bien installée dans le paysage français, parce qu'entre Mémé dans les orties et En voiture Simone, c'est une incontournable de notre littérature feel good. Pour terminer, je finirai avec Valentine Stergan, qui elle est américaine, dans Les ours mal léchés, s'apprivoisent à Noël, aux collections Hugo Poche. Alors Hugo Poche fait souvent ce genre de romance feel good et c'est un peu moins cher d'acheter un bouquin en poche qu'un bouquin en broché. Parce qu'un bouquin en broché c'est 24 euros, en poche c'est 9. Pour la petite histoire. En broché ? Mais les deux sont neufs. En grand format. Oui, les deux. Alors. Alors c'est toujours l'histoire hein, d'une jeune femme qui vit toujours sa vie à 100 à l'heure, qui passe à côté de tout, qui va hériter d'une vieille tante d'une maison en Angleterre, plus précisément à Londres, qui va y aller et qui va rencontrer... Le prince charmant, un bûcheron. L'amour, une truite. Pas comme elle le croit. Tu sais le gars avec les chemises à carreaux. Ah, bûcheron. François. Un bûcheron. Presque, mais je ne peux pas tout. Ah, dire. Ouais, voilà. elle le rencontre là-bas, bien sûr. Il est seul, solitaire. Il vit avec personne. Blessé par une histoire sentimentale. Il ne sort même pas. Le premier pas. Est-ce qu'il s'appelle Kurt? Ah non, je ne peux pas dire. Non. C'est en fait ce que j'aime bien dans ce genre de littérature, c'est que c'est léger, pas prise de tête, qu'on peut s'identifier au personnage. Ouais. Ah. Oui, tout le monde hérite d'une grande tante. D'un c'est vrai, d'un manoir. Bien évidemment, ça vous est pas encore arrivé. Avec un mec goulé qu'on a un Apollon dedans. C'est clair. Voilà. Voilà, c'était ma petite chronique. Alors, vous ne retrouverez pas ces livres dans caprice-de-lecture.fr. Ça, c'est bien ça. Non, vous ne retrouverez pas vous ça. Vous ne les retrouverez pas. Non, c'est une exclusivité du 25 c'est décembre. C'est une exclusivité 25 décembre. Sur Fadjet. Bon, écoutez, d'ailleurs, on parlait de chocolat tout à l'heure dans un de tes livres. Pareil, on se voit des fois offrir des chocolats, des fois à Noël. Hein. Eh ben moi, j'adore ça. Est-ce qu'on t'a déjà offert des Mon Chéri ? Oh, arrête. La réponse est oui, et je les apprécie. Ah, je savais. Oh, j'en étais sûr qu'il y en avait autour de la table qui aimait bien les Mon Chéri. J'adore les Mon Chéri. Oh, non. Merci. Je savais. Alors, j'adore les chocolats à l'alcool. Ah non, c'est vrai ? Tu adores l'alcool tout court. Si, moi, j'aime bien les chocolats avec de l'alcool. Alors les chardons au Lorrain. Et j'ai goûté également des truffes à la liqueur de whisky, je crois. C'était formidable. En fait, c'est pas moi l'alcoolique. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, il y avait aussi évidemment. Alors les pubs liées au chocolat. Je sais pas, j'ai toujours une en mémoire de pub. C'était pour les chocolats, les Pyrénéens. Oui. Où il faisait une boule de neige et lui éclatait dans la tronche et il y avait un Pyrénéen dans la boule de neige. Vous vous rappelez pas cette pub là? C'est comme ça que j'ai c'était très mondain. Ou les Mont Blanc ou Pyrénées, je sais plus. Enfin, c'est Pyrénées. C'était fabuleux. Donc oui, non, le Mon Chéri reste quand même le chocolat. Moi, par exemple, enfin, je veux dire, on en avait aussi à table, mais les enfants ne mangent pas ça, mais t'avais quand même le chocolat. Et rien que de les regarder, ça me dégoûte, je supporte pas. Mais quand tu vas me les rapporter. Quand ça explose en bouche, il va dire. Quand tu l'as dans la bouche et que d'un seul coup, non, attention, ça va tourner au porno, ton délire. Moi, une fois, je me suis fait avoir, j'ai dit, tiens, il y a du bon chocolat, j'ai croqué. C'est ça. À chaque fois, je me dis, allez, j'en mange un. Et t'en manges 3. J'en mange 2. Tu sais, c'est comme les chocolats que tu achètes, tu sais ce qu'il y a dedans. Et dedans, c'est du blanc. Tu sais, c'est dégoûtant, c'est horrible. Allez, les amis, on va écouter un peu de musique. On retrouvera les tweets du Père Noël juste après avec Valentin. Vous savez qui c'est, ça? Billy Alley and the Comets, Rocking Around the Christmas. Allez, on écoute, on fait un petit retour dans le passé aussi, ça fait du bien. Bon Noël à tous. A later we'll have a little pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with the boughs of a holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Bill Alley and the Comets. Ça date, mais ça fait toujours plaisir. Rocking Around the Christmas. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël, les amis. Ben oui. C'est la matinale de Noël avec l'équipe des 94 de service compris. Compris. Évidemment. Compris, vous allez bien? Oui, on va bien. Oh, alors, on est bien. Et toi, François, bah, comment vas-tu? Bah, écoutez, toi, ça va plutôt bien. Moi, je suis assez content de passer mon jour de Noël avec vous, hein, évidemment. On se donnera quand même pour petite pause le jour du Nouvel An, parce que je ne serai peut-être pas en état pour faire la matinale du Nouvel An. Mais la matinale de Noël, je suis plutôt bien. Alors... Et bien sûr, on ne peut pas ne pas passer par les réseaux sociaux sur Noël. Ah bah oui. Vous les souhaitez? Alors, petite pause avant tout juste de retrouver Valentin. Effectivement, est-ce que vous souhaitez Noël ou la bonne année par les réseaux sociaux, non, aux gens, en règle générale, ou par SMS? Moi, je souhaite rien du tout, comme ça, ça va. Comme Agathe. Voilà, comme ça, t'es pas. Oui, parce que, alors, peut-être le Nouvel An avant, il fut un temps où il y avait une espèce de sur, comment dire, surenvoi, surcharge, mais c'était plus pour le Nouvel An. Certains les envoyaient avant. Ouais. Avant le jour de. Parce que ça arrive après. Ouais. Ça arrivait juste après. Ça arrivait le 14 avril. Le 14 avril, je sais pas pourquoi. Alors, Noël, cette grosse fête organisée pour fêter l'anniversaire de Jésus. Mais Noël, c'est aussi durant le repas votre grand-mère sourde, votre oncle lourd. Alors, j'ai fait la chronique avant. Hein. ou votre cousine qui s'est trouvée un nouveau mec sorti de nulle part. Alors, mais Noël, c'est également toute la famille qui se rue sur les chocolatines des Champs-Élysées. Ah, les Champs-Élysées. Et puis votre oncle qui est un petit peu abusé sur le vin ou la boisson, le champagne. C'est toujours l'oncle qui. Oui, c'est toujours l'oncle. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a des schémas dans les familles. C'est le nombre d'oncles qui sont en taux là. Ou votre grand-père qui évoque Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, alors que c'est pas du tout le moment. Mais aussi enfin Noël, c'est aussi vous proposer les meilleurs tweets. Alors j'ai sélectionné évidemment les meilleurs et pour fêter Noël, je vous en propose tout de suite. Donc le premier. La première. Alors c'est tout de suite. On commence avec le tweet de Jérémy Tila publié. Alors je vous le dis, c'est quand tu vois que certains ont eu une PS5 à Noël avec FIFA 23 et que toi tu te retrouves avec une paire de chaussettes, un flux de corps. Hein. Ça sent le vécu, ça. La chaussette, alors, quoi, t'as dit? Un flux corps. Ah oui, un flux. Mais oui, c'est ça. Pas, bon, oui. Évidemment, ce qui est sûr, c'est que pour le cousin qui a eu sa PS5 et FIFA 23, oui, on n'est pas du tout sur le même tarif. Là, on va pouvoir s'amuser avec une console qui coûte environ 500 euros plus 50 euros le jeu, qui nous fait un total de 550 euros 95 centimes. Alors que toi, ta paire de chaussettes à Cora a coûté 6 euros. Mais en plus, il faut l'avoir la PS, hein, ah, parce qu'il faut la choper, faut réussir à la choper. Alors, mais peut-être qu'on a du mal à trouver des chaussettes influx. Influx, ah, les chaussettes influx. Ça va devenir une denrée rare dans 350 ans. Dans 350 ans, ça sera rare, ouais. Alors avoue-le, en temps normal, c'est quand même agréable d'avoir des chaussettes, surtout que celles-ci ont tendance un peu à se cacher, à partir, je sais pas pourquoi. Alors peut-on vraiment mériter de recevoir un cadeau si ce n'est que celui qui vous a peut-être offert ce cadeau ne vous aime peut-être pas, donc affaire à suivre. Sur cet influx. Deuxième tweet. Alors le deuxième, c'est un tweet de Paul Toucourt, je vous le dis, je vous le lis, c'est les publicités pendant les périodes de Noël. Parfum, parfum, Ferrero Rocher, mon chéri, parfum, parfum, Ferrero Rocher, Champs-Élysées, Black Opium, j'adore, j'adore, mon ah, chéri. Ah, Black Opium. Donc, pour faire tout court, Paul a bien raison. Alors moi j'ai aussi juste une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi. J'ai des jeux glauques pour gamins en publicité sur Instagram. Ah bon ? C'est un espèce de poupée qui oula, expulse un caca. Ce truc, c'est. Ça fait des années. C'est, t'appuies sur la poupée, ça expulse le crotte. Il y a même les chiens, il y a des chiens, des. Oui, des trucs. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans mon fil d'actualité, ne me demandez pas. On va dire, oui, c'est par rapport à tes recherches. Vraiment... Non, je n'ai jamais tapé sur Google. Dans une conversation, j'adorerais avoir une poupée qui expulse un caca. Il y a vraiment des gens qui ont. En plus, au début, je vois le truc, tu sais, un peu comme ça en forme, qui se dit, oh, c'est sympa, ça me faisait penser à. Et puis, je me dis, mais c'est une merde. C'est pas possible. Deuxième ou troisième, troisième. Tweet, troisième tweet. Alors on passe au troisième, qui est un tatou de quelqu'un que vous connaissez certainement, joueur du grenier. Le voici, Dieu bénisse le wifi durant le repas de famille. Alors comme vous le savez, il existe la maltraitance contre les animaux, mais aussi il existe la maltraitance contre les box wifi. Alors évidemment, vous ne pouvez pas dire non, pourquoi? Et pas parce que c'est tout simplement Noël et qu'on peut pas refuser. Ah. Et enfin, quatrième. La dernière, on termine avec le tweet. Donc, il s'agit de Tamine. Je précise que c'est une femme. Alors, je lis parce que j'ai mis celle-là à la fin, c'est la meilleure. Être une mère intentionnée, c'est laisser les enfants décorer le sapin eux-mêmes parce que c'est le plus grand des bonheurs et tout déplacer après parce que globalement, ils ont fait n'importe quoi. C'est pas faux. Voilà. Mais il y a un ordre quand on place les trucs. Vous regardez quand vous faites votre sapin de Noël un peu à l'homogénéité du truc. Un oui. peu. Ah, voilà, oui. Je mets une boule là, mais je pourrais mettre une boule rouge à côté d'une boule rouge. Je vais mettre une boule blanche. Et ce qui est terrible, c'est quand le sapin se trouve donc contre un mur et que tu veux équilibrer, mais qu'en même temps, il tourne. Alors moi, j'en mets quand même derrière, même s'il est contre, parce qu'il est contre le mur, mais je mets quand même un peu de boule derrière. Parce que, alors tu peux rentrer, tu vas voir si on le côté aussi vide. Mais c'est débile. Et puis t'as envie que le mur éprouve aussi du plaisir. Depuis que j'ai un chat, je ne fais plus de sapin. Ah, mais il te défonce tout. Alors, moi, je mets quand même aussi. Après, je le bombarde de neige, de fausse neige complètement chimique. Et puis, on tousse pendant une demi-heure. ça empoisonne tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, bah, évidemment. Lui aussi, il est passé à Noël. C'est Robbie Williams. Can't stop the Christmas. On vous a dit, c'est que des musiques de Noël, évidemment. Allez, bon réveil, parce qu'il y en a peut-être qui se lèvent et qui nous rejoignent. Et on a envie de leur dire quoi ? Joyeux Noël, Noël. So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on a sleigh, but now he's 2 miles away. The people gonna need something to believe. I know you'll be with me, and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but Robbie Williams, Can't Stop Christmas. Bonjour et bienvenue à vous, mes chers amis qui écoutez Fadjet tout au long de l'année. On vous aime. Oh, oui. Bah oui, il faut donner un peu d'amour. Quelle déclaration d'amour. Ouais, moi je te dirais je t'aime en t'envoyant un mon chéri à la trompe. C'est de l'amour. Mon chéri au chocolat. C'est vrai que Valentin tout à l'heure t'a dit Black Opium aussi, c'est pareil. Hein, c'est, oui, c'est ça. Oui, c'est Black. C'est fort. Hein. Ça fait partie aussi hein, des hauts, comment dire, décapants. Hein, décapants, on peut dire. Alors, on le retrouve en règle générale le mercredi. Je l'appelle The Dancer. The Dancing Queen. Je précise qu'il n'a pas. Cet homme, si c'est un homme, n'a pas été conçu avec le bouton off. Il n'y a pas de bouton off. C'est une pilule. C'est non une contraceptive, une pilule électrique. Une machine de guerre de la chanson. C'est, voilà. On lui a donné quand même 4 surnoms en 10 secondes. Mais on l'appelle plutôt Alex en général. C'est vrai que vous ne voyez pas dans les studios, mais là, il se découvre. Voilà, il se découvre. Il n'a pas de hanche, tellement il se déhanche. Je ne sais pas de quoi il se nourrit. Pas mal. Il se déhanche. Alors évidemment, chaque semaine, pendant les mercredis, d'ailleurs, on va peut-être essayer de trouver un petit moment pour la faire pendant cette matinale. On a une danse, la danse du mercredi, évidemment. En général, c'est travaillé, c'est chorégraphié. J'envisageais une chorégraphie très particulière. On n'a pas Kamel Wally, hein, mais on a Alex et Sarah, c'est presque pareil. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous à travers votre transistor en ce 25 décembre. Il a 250 ans. Il est né en quelle année? Sur les grandes ondes. Sur les grandes ondes en fait. FM. Bonjour à tous. Première demi-heure de l'émission. J'ai choisi pour ma chronique musicale et humoristique de vous offrir une version remixée de vos classiques de Noël. Ah. L'idée est assez simple. J'ai récupéré l'a cappella de 3 chansons que j'ai superposées sur 3 instrumentaux des années 2018-2020. Ça sera à vous de deviner quelles sont les musiques si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors c'est parti avec le premier extrait. Et bah c'est le truc de Johnny là. C'est le truc de Bispo. Ah bah c'est Bispo. Ah non. Mais ils sont en sous. Et là je reconnais Lara Fabian. Ça c'est Florent Pagny. Là c'est Bispo. Ah. Ce soir nous rassemblons. Bon, c'est Maria Carré. C'est Sia derrière la chanson. La chanteuse Maria Carré. Aussi, ouais. Oui c'est la chanteuse mais c'est Attends. Son Rihanna. Non, c'est pas Rihanna. C'est français? Oui. Julien Doré? Non. Attends, est-ce que c'est vieux ou c'est que ça? Ah, c'est 2020. Ah, oui. Attendez, qu'on écoute. Angèle? Non. Clara? Non. Big Flo et Yoli? Non. On va tous les dire. Ouais, c'est vrai que j'aurais cru que c'était Julien Doré, moi. Moi aussi, je pensais que c'était le même rythme c'est que Julien Doré. Donc, c'est une chanson de 2018 par une artiste qui est très connue pour Dja Dja. Ayana Kamura. Et la chanson, c'est Copine, qui date de 2018. Ah, mais évidemment. Oui. Tu me dis, ça fait un peu. Dans ce jeu parce que c'est que des choses que je n'écoute pas. D'ailleurs, Ayana Kamura qui vend des VTT. Vous avez jamais vu la marque Nakamura? Elle est chez au début, je regardais, je dis mais si elle vend des VTT. Non, c'est pas. Est-ce que tu imagines cet artiste sur un VTT? T'as le VTT de Nakamura. C'est une marque du Leclerc. Alors comment elle met les marques Nakamura? Elle chante. Ah mais copine. Moi je ne joue plus parce que à partir de 2005, c'est perdu. Alors, ouais, petit, nombreux, qui hein. sait qui va avoir son petit VTT Ayana Kamura à Noël? C'est moi. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Je savais que ça allait partir de toute façon en cacahuète. Mais Alex, j'avais raison, j'avais dit que c'était un peu tropical avec le rythme. Oui, tout à fait. En même temps, vous n'avez pas trouvé les musiques, donc attendez. Non. Bon, encore une. Alors attendez, il y en a encore. Il y en a encore une. Allez, le dernier classique à retrouver sur sa musique. C'est Nakamura aussi? Non. Kinvé. Toujours pourquoi, je sais pas pourquoi. C'est français. Ah. Valentin, il doit connaître. Ça vient, mais je sais plus. C'est français aussi. Ouais. Ça me vient pas. En plus, tu prends le début à chaque fois, donc on peut pas découvrir. Oh, c'est dur. C'est toujours pas Julien Doré. C'est une femme très jeune. Angèle. Non, elle est française. Louane. Elle a son nom de scène est en un seul mot. Zaz. Véronique Sanson. Et elle a fait un titre sorti en 2020 où elle parle de tromperie. Son. Oh, Weshden. C'est pour ça. Ah ouais, ça me parle absolument pas. Hors de ma vue. Elle fait exprès d'avoir. Elle a encore des fautes dans les prochains ou pas? Non, mais en vrai, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire, ouais, c'est elle ça, ouais. Si j'écoutais ça à mon âge, j'irais voir un psychiatre. C'est vrai que tu peux écouter un peu de tout, hein, on peut être diversifié. Et c'est pour ça, je comprends. Pour moi, les meilleurs titres ont été faits dans le passé. Hein. Là, on c'est a reconnu l'instru, mais là. Oui, Weshden, c'est une vendeuse de chansons de qualité. Je dis vendeur de chansons, de puisque qualité, vous savez que on a tout sauf, c'est tout sauf une artiste. Petit Papa Noël est tout de même, il faut le rappeler, le plus grand succès de la chanson française depuis 1946. Bah, Tino Rossi détient, avec ce titre, le record, le single le plus vendu en France, près de 6 millions d'exemplaires en France, et au niveau du monde, cela représente 30 millions d'exemplaires. C'est un truc de fou, oui. Incroyable. C'est sur ces remixes façon Shabba d'Alex que je vous souhaite un joyeux Noël en notre compagnie sur 94. Je crois qu'il est nécessaire de recommencer. Alors je vais vous donner des indices sur les bonnes réponses. La première, c'est la station. La deuxième, c'est l'émission. C'est le Noël des difficultés. Je recommence. C'est sur ces remixes façon Shabba d'Alex que je vous souhaite un joyeux Noël en notre compagnie sur 94. Service compris. Ça sera mieux comme ça. Ça sera mieux, évidemment. Ah, tu nous as eu. Allez, on va écouter un peu de musique. C'est Leon Rimes, vous connaissez, avec Aloe Black, qui a fait aussi des produits hydratants. Aloe Vera. Allez, joyeux Noël, les amis. Je suis désolé. C'est The Spirit of Christmas. Sharing so much joy and cheer. What a wonderful feeling. Watching the ones we love having so much fun. I was sitting by the fireside, taking a walk listening to a children's choir singing songs about Jesus, the blessed way that he came to us. Why can't it remain all through the year, each day the same? What I wanna hear. Lynn Rimes et Aloe Black ce matin sur Fadjet, évidemment, avec ce titre, The Spirit of Christmas. Bienvenue et bien le bonjour à vous et un joyeux Noël évidemment sur, sur Fadjet. On est avec l'équipe du mercredi, jeudi, lundi, mardi. Non, pas lundi, non, non, voilà, non tous les jours. L'équipe de la matinale aussi de Fadjet pour vous le rappeler, mes amis, chers auditeurs, que eh bien, vous retrouvez tous les jours, enfin tous les jours, de lundi au vendredi, de 7h à 8h30 pendant notre saison dite régulière et l'été, effectivement, on parle de l'été aussi, même si ça paraît loin. Hein. Moi j'ai ça deux périodes de l'année. En été, je parle de Noël, à Noël, je parle de l'été. C'est 94 de soleil compris. La séquence insolite sur Fadjet. Bah oui, j'avais envie de vous parler un peu d'insolite et de Noël les plus insolites. Évidemment, ça fait partie d'une des chroniques un petit peu légendaires de la matinale de Fadjet. Alors, je sais, vous allez me dire que je suis un petit peu bas de gamme, mais c'est pas de ma faute, hein. Connaissez. Écoute, si franchement t'es bas de gamme, François. Oui, alors, non, alors moi, nous, on est loin. Oh, loin, je suis rat de la pâquerette. Ah, les rats de la pâquerette. Les Noël les plus insolites, j'ai pris trois pays différents. Ah. Est-ce que vous connaissez Cagatillo? Je dirais, non, c'est en Amérique quoi, latine ça? Tout à l'heure, on parlait. T'as mis un petit cheveu sur ta langue. Cagatillo. C'est en Amérique latine. C'est l'accent. Amérique c'est ou portugais, voilà, ou espagnol. C'est pas espagnol. Colombien. Colombien. Et dans colombien, il y a colombin. Évidemment. Pourquoi je te dis ça? Parce que la tout poupée. À l'heure, je parlais évidemment de la poupée qui expulsait. Et peut-être que c'est parce que, comme Google nous écoute et que j'ai déjà enregistré cette insolite de Noël, et ben, elle savait que j'allais parler d'excréments. Parce que en Espagne et en Catalogne, et plus précisément les enfants, c'est en Catalogne que les enfants s'enthousiasment pour Cagatillo, littéralement. Alors, ça mélange nos deux trucs qui nous font peur. L'oncle qui fait caca. Enfin. Pourquoi oui. L'oncle et le caca, eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'oncle, on parlait de l'oncle bourré tout à l'heure. Hein, l'oncle oui. Qui fait des blagues. Ouais. En fait, le cagatillo, c'est un dessert de Noël. Il s'agit d'une petite bûche de bois. Et pour l'avoir vu taper sur Google, vous le verrez. Sur laquelle est dessiné un grand sourire qui expulse des cadeaux. Moi, j'aimerais avoir des photos. Alors, c'est dès le début du mois de décembre. La bûche est placée. Alors, je vous explique. La bûche est placée au coin du feu. Elle est recouverte d'une couverture. Elle est orientée vers le haut, comme ça. Ouais. Et chaque nuit, les enfants lui donnent des chocolats et des noix dans l'espoir de la faire grossir de plus en plus jusqu'au jour de Noël où elle libère ses cadeaux. Alors, elle a un sourire au bout de la bûche, comme ça. Et c'est le derrière de la bûche qui expulse des cadeaux. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais je te promets que c'est Cagatillo. Ça va bien, franchement, en ce moment. C'est bien. Qui a inventé ce cadeau? Eh bien, tapez Cagatillo. C'est spécifiquement en Espagne. Après jamais une chose pareille dans un moteur de recherche. Alors, elle libère des cadeaux. Alors, traditionnellement, c'est des nougats, des bonbons, des petits jouets ou de l'argent, mais c'est par les effets fesses de la bûche. En voilà, plus, c'est comme... bien cringe. C'est pas ah, bah oui, oui, c'est ouais, ça. Non, mais c'est sur Internet, c'est ouais. Alors, vous connaissiez pas, hein, voilà. Ah non. Pas, hein, je vous apprends des choses. Donc, évidemment, c'est une tradition un peu insolite en Espagne. On va filer aux Pays-Bas, les amis, où le 5 décembre de chaque année, aux Pays-Bas, et précisément, et je vous demanderai de répéter le nom de cette personne, Sinterklaas. Sinterklaas. Non, pas Sinterklaas, autre chose. Hein, mais Sinterklaas apporte des cadeaux aux enfants. Je crois que c'est un espèce de Père Noël. Ah, Sinterklaas. Ouais. Et pour cette distribution, il est accompagné de ses domestiques appelés les Zwartepieten. Oula. Pas bon. Alors, ces derniers ont eu, avec une liste importante, les noms des méchants enfants qui, au lieu de cadeaux, reçoivent des. Je le disais tout à l'heure. Du charbon. Des morceaux de charbon. Enrobés dans de la neige. Enrobés avec. C'est le mon chéri. Avec du mon chéri autour. Avec du mon chéri autour. Voilà, donc ça les intoxique. Puis ils meurent dans d'atroces circonstances. Ah, c'est pour ça qu'ils sont pas surpeuplés au pays. Eh ben voilà, comme ça qu'ils enlèvent. Alors, les Spartan Pitons mettent dans des sacs et les emmènent avec eux dans leur pays. Alors, ils emmènent les enfants, si vous, ils emmènent les enfants dans des sacs. On peut appeler ça un rapt. Et donc c'est une punition à la base qui est en souvenir du temps où les Pays-Bas subissaient le contrôle du Saint-Empire romain germanique entre 1518 et 1714. Je pense que Noël à ce moment-là c'était pas la grosse teuf. Ouais, hein. Non, c'était pas la teuf. On va partir en Islande, on est toujours sur des trucs un peu spéciaux et là je vais vous parler de Yule. Yule, c'est la fête païenne de Yule qui correspond à Noël en Islande. Et à la nuit tombée, je vous raconte ça. Le chat de Yule appelé, alors là c'est pareil, c'est particulier. Yola Couturine rôde dans tout le pays affamé. C'est un animal inquiétant qui effraie et chasse les hommes. Mais pas n'importe lesquels. Les seuls qui doivent craindre le chat de Yule sont ceux qui n'ont pas réussi à se faire offrir ou à fabriquer un vêtement neuf qu'ils pourraient porter pour la fête. C'est-à-dire, en gros, ils chassent les pauvres. C'est pas que c'est un Le chat de Yule, il fait régner une justice un peu étrange. Alors, depuis le Moyen-Âge, d'ailleurs, il est si effrayant que dès les années 800, donc ça date un peu, on l'utilisait, je vous le dis, pour faire peur aux travailleurs et les obliger à terminer leur récolte de laine plus rapidement. Mais c'est abominable. C'est abominable. Le capitalisme. C'est pervers. Donc voilà. Bon, j'en garderai quelques-unes hein, pour peut-être pour la fin de cette émission. Notamment, on parlera peut-être de sortir d'araignée ou encore d'autres choses sympathiques, les amis. Hein. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va écouter un petit peu de musique. Tiens, je sais pas, on va faire un tour encore dans les années fin 70-80. Mais il est monstrueux ce chat. Ce chat de Yule, il est monstrueux. Ah ouais, oui, ouais, il est monstrueux. C'est vrai qu'il n'était pas terrible. Regarde, alors, c'est qui ceci? Vous les rappelez ceci là? Ouais, on dirait les. C'est les Jackson 5. Bien évidemment. Santa Claus is coming to town, qui veut dire le Père Noël arrive. Et de retour en ville. En voiture, évidemment. Les Jackson 5, les amis. Joyeux Noël à tous. Vous êtes sur Fadjet, évidemment. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus coming to town, oh yeah. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you are awake. He knows if you've been bad or good. So be good. Jackson 5, Santa Claus is coming. Et c'est sur Fadjet que vous pourrez retrouver cette musique ce matin, évidemment, parce que c'est Noël et que nous, on est bien à Noël. Merry Christmas. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Bah oui, on s'est réveillé exprès pour vous, hein, quand même. Oui. Hein, on a quitté nos familles respectives. Ouais. Ou alors on écoute en déballant les cadeaux. En déballant, évidemment, ouais, les cadeaux. On va poursuivre cette émission, évidemment. Je vais essayer d'articuler. Ça serait c'est normal, si on est fatigué, on s'est couché tard. Hein. On s'est couché très tard. Je suis en train de jeter une feuille à Georges en même temps que j'essaye de rechercher ses propres musiques. On fait tout sur place, c'est normal, hein, les amis. C'est de l'artisanat d'art, hein, l'émission de Fadjet. On essaye en tout cas de vous faire passer un agréable moment pendant ces deux petites heures ensemble. Et on va poursuivre avec le déterreur. Le déterreur, évidemment. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y en a. Évidemment, il ne peut pas faire une émission sans parler de mort. C'est un petit jeu. Il va falloir trouver qui a interprété, adapté la chanson en français. Je vous donnerai des petits indices. C'est quand même relativement facile. Hein. On va commencer avec Last Christmas de Wham. Last c'est quand même un classique. Bah oui, ah oui, oui, bah évidemment. Mais est-ce que vous savez qui a chanté ça en français? En français? J'aime. On pourrait avoir quelques indices, genre. Oui. C'est une chanteuse française. Enfin. Françoise Hardy. Elle chante en français, mais elle n'est pas d'origine française. Céline quelle Dion. Quelle époque, aussi, non. Quelle époque, alors c'est sorti en français, mais sorti en 85. Céline Dion. Non. Nana Mouskouri. Non. C'est français. Elle avait un accent. Dalida? Ah non, ouais. Elle était morte avant. Dalida? Oui, oui, c'est Dalida. C'est Dalida. Dalida qui arrive en fin de carrière en 85, je ne sais plus très bien quoi faire. Et comme c'est Orlando qui s'occupe d'elle, son frère, voilà, il lui propose des chansons un peu. Donc elle a repris ça, ça s'appelle Reviens-moi, ça n'a rien à voir avec Noël. Donc on va écouter un petit coup. J'aime beaucoup Dalida. Ah oui? Ah oui, carrément, oui. Laissez-moi danser. Reviens-moi, oui je te pardonne, tu es parti sans foi, je connais les hommes. Reviens, ne baisse pas la tête, ma victoire sera ma défaite. La pauvre, elle a tellement eu avec les hommes des déboires qu'elle ne chantait que ça, quoi. Puis là, à l'époque, elle reprend même Stevie Wonder. Il y avait tout le temps un peu la tristesse, de la mélancolie quand même dans tout. Même ouais. Avec une musique qui sonne Noël, reviens-moi, tu m'as quitté. ouais, c'était terrible. Hein. Le deuxième, deuxième, vous allez trouver tout de suite. Vas-y François, envoie le. Donc Johnny Hallyday. En Galilée. Donc c'est Sheila. Sheila, oui. Elle a plus vendu que l'original. Hein. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? C'est Tweedle, dit Tweedle. Ça s'appelle, le groupe s'appelle Middle of the Road. C'est chinois. Non, on dirait chinois. Ou des chipmunks aussi un peu. Oui. On dirait des dessins animés. On dirait vietnamien. L'original a été un échec. Ah bah oui, je crois. La version française par Sheila s'est vendue à 900 000 exemplaires. 900 000. Elle l'a même enregistré. Donc c'est une adaptation, mais elle l'a même enregistrée en espagnol pour les pays. Mais eux, ils chantent pas les rois mages en Galilée, eux. Si. Non, ça n'a rien à voir. Les Français, à l'époque, ils. Et vous allez voir que celle de Sheila est beaucoup plus punchy. Oui, mais c'est clair, j'adore. Oh, j'ai envie de remettre ça un coup. Ah, voilà. Ah, les accords sont plus tranchés. C'est parti pour la danse. Ça y est. Allez, danse. Allez, allez, allez, ça va danser. Mais on n'a pas de choré. Bah, oui. C'est nul. Non, préparez ça, on mettra ça. Attends. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre jusqu'à l'estimation. Comme les rois mages en Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Lève au ciel que j'ouvre mes fenêtres le matin au bord. Ah, les amis, alors là, vous verrez, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux. En même temps que vous écoutez cette émission, nos réseaux sociaux, c'est Fadiette, Thierry Mille, 94 de service compris, vous verrez cette danse magnifique, orchestrée et surtout improvisée. Là, c'est le talent. Total impro. Le talent est là. Cette chanson est très importante dans la carrière de Sheila parce qu'elle était en fin de course, comme toutes les chanteuses issues des yéyés. C'était la fin des yéyés, c'était le début des années 70. Il y avait des gens qui arrivaient avec leur propre écriture. Et donc, ça, c'est vraiment c'est ce qui relance sa carrière pour les 10 années qui vont arriver après. Chance qu'elle a eue que n'ont pas eu les autres. Hein, parce que les autres, c'était pas le même. Tu peux nous rappeler, c'était en quelle année les Rois Mages? 71. Donc elle n'était pas encore avec Ringo. Presque. Il chauffait. Parce que Ringo s'envoyait des messages Ringo, un peu chauds. Avec le téléphone en baccalauréat. Avec le téléphone fixe. Pigeon voyageur. Premier 45 tours de Ringo, c'est 71. Sacré Ringo. Là, la troisième et la dernière. Oui. C'est facile. Hein, ah bon? Bah oui. C'est facile. La dernière va être facile. Non, la dernière, vous n'allez pas trouver. Ah bon? Voilà. Parce que vous n'êtes pas. Parce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon. On n'est pas bon. L'original, c'est Billy Fury. Je connaissais pas. Et le titre? Le titre, ça s'appelle In Summer. Donc ça n'a rien à voir. À Noël, ça va bien. Ouais. Mais l'adaptation parle de Noël, donc ça n'a rien à voir avec l'original. On va écouter l'original. C'est encore des Chinois? When I get tired and feeling blue, I think of all the things I can do in summer. Alors, à votre avis, qui chante? Alors, même moi, quand je l'ai face à moi, parce que j'ai la suite des choses, c'est compliqué. C'est une femme? Ouais. Non, donc c'est un homme. Alors, attendez, les amis, parce qu'il y a quand même Alex qui est en train de prier. C'est vrai. Donc, les amis, vous voyez pas dans les studios, mais Alex se concentre parce qu'il essaye de fouiller dans son historique. Dans son historique. Non. C'est un homme. Hein. Et je vous donne un indice. Ouais, vas-y. Michel Delpech. Électricité. Oui. Claude François. J'ai failli t'interrompre pour dire Claude François. Il était très au courant et très branché. Ah, c'est bon. C'est Claude François. Bah oui. Quand j'étais triste en me réveillant, moi je me consolais en rêvant à Noël. À Noël. C'est quand même, faut quand même reconnaître la qualité de des adaptations. Elles sont meilleures à chaque fois, non? Elles sont meilleures. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Claude François a repris des tubes des Supremes et c'était moins bien. Ouais. C'était moins bien. Mais le marteau. Je trouve que l'orchestration derrière est toujours un peu plus, comment dire, moins chargée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça passe bien là, vous savez. Bon, bah bravo, Georges, merci. Merci, Georges. Tiens, on va mettre une musique que tu m'as suggérée aussi tout à l'heure, Band Aid. Don't They Know It's Christmas. C'était à quelle occasion ce titre? C'était les années où l'Éthiopie crevait de faim. Voilà. Donc j'espère que c'était pour vous souhaiter profitez de vos repas en famille. C'est vrai que c'est important aussi de dire tout le monde ne peut pas. À Noël, joyeux Noël à tous les amis. Et d'ailleurs on a le Père Noël pour l'occasion, hein. Il est là le Père Noël. Bah c'est toi Alex. Tu l'avais fait si bien j'ai fait le Père Noël. On l'a perdu Alex. T'as voulu essayer tout à l'heure, mais bon laisse tomber. Ho ho ho. Oui. We can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. Where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touch. Christmas. Christmas to West Africa. A song of hope when there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is comfort to be feared? Why is to touch to be scared? How can they know it's Christmas time? Avec Do They Know It's Christmas. Tu disais, Georges, que c'était une... Ça, c'est une nouvelle version. C'est une nouvelle version. La première version date de 84. Ouais. Et il y a Annie Lennox, il y a George Michael, il y a Bob George, Sting. Il y avait toujours à l'époque regroupements d'artistes comme ça pour les causes. On l'a fait en France aussi avec Noël Ensemble, évidemment. Oui. Et puis, avec Éthiopie aussi. Mais on le fait plus actuellement, d'ailleurs, c'est ces choses. Avec Coluche. On a Les Enfoirés. Ah oui, les enfoirés. Oui, c'est vrai. Mais là, cette année, on avait fait les ricochets. J'ai pas entendu le collectif. C'est souvent que ça sort à Noël, le collectif, ce genre de choses. Il y a même eu un collectif de femmes avec Barbara, Sheila, Nicole Croisi. Donc, c'est génial. Ça donne envie. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Allez les amis, on arrive quasiment à 1h30 d'émission hein, quand même. Alors, vous êtes où? Vous en avez tout dans vos cadeaux, vos ouvertures de cadeaux, vos petits repas qui se préparent en ce midi de Noël. Ça commence à mijoter. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Alors, il y en a un peu souvent qui disent, les fêtes de fin d'année, c'est un peu comme, tiens, la Saint-Valentin, c'est commercial, etc. Mais bon, moi, je trouve que ça fait toujours plaisir. Ce qui nous manque un peu ici à Nancy, c'est des fois un peu de fraîcheur, de neige. Hein. C'est vrai que ça fait... Oui, c'est vrai, il y a une semaine et 2 semaines. Ça serait bien. Vous aviez des... Alors tiens, on fait un petit tour rapidement encore, les cadeaux. Alors les cadeaux, l'autre jour, pendant le spectacle qu'on organise sur la fin d'année à Noël, on avait aussi les cadeaux un peu pourris comme ça, mais il y a aussi les cadeaux sexistes. Hein, vous savez, les cadeaux, par exemple, on t'offre une femme un aspirateur. J'ai interdit à mon mari de m'offrir ce genre de choses. Tu crois qu'il aurait fait ce genre de choses? Je pense pas, parce que... N'oublions pas qu'une femme n'oublie pas. Sinon, il fait plus j'ai des copines qui me disent, ouais, tu sais ce que j'ai eu à Noël? Non. La centrale vapeur. Le truc, alors que moi ça me fait c'est horrible d'offrir ça, la quoi. Centrale vapeur, ou alors le truc qui fait tout là, le thermomix. Oui, voilà. J'aimerais bien qu'on m'offre ça, mais en plus ça coûte cher, hein, ces trucs là évidemment, mais après est-ce que Scorpio ça fait est-ce que t'as besoin de un camion de Scorpio, un abonnement Scorpio, est-ce qu'on a besoin de Noël pour offrir ce genre de cadeau? Je sais pas, même un petit truc en plus, mais des fois t'arrives plus à trouver en couple, hein, ou à trouver des cadeaux de Noël pour l'autre. Parce que chaque année, il faut varier. Non, mais c'est compliqué. Eh bien, détrompe-toi. Alors, moi, je fais partie des gens où c'est un peu tristou, là. Mais on se donne des petites listes. Oh non. Non, mais tu choisis parmi la petite liste. Mais non. Je trouve que c'est mieux si à la limite tout au long de l'année, des fois tu notes pas tout, tu te rappelles pas mais tout. Moi, le plus et donc si tu as petite mais alors c'est évidemment pas c'est des petites choses dont tu as envie, mais tu donnes par exemple une liste d'une dizaine et puis tu pioches dedans. Moi je fais à mes parents ça. Ah ouais. Mais genre avec ma copine. Avec ta copine, tu fais pas non, ça. Ah non. Non. Ah, donc t'arrives toujours à trouver si l'idée. Si elle me fait pas de surprise et que j'ai besoin de lui dire, mais elle va se faire engueuler. Hein. Oh. Alors là, franchement, je vous le dis. Tu sais, au bout de régler ses comptes. Et au bout de 17 au bout de 17 ans, c'est compliqué de trouver. Non mais attends, attends. Maintenant qu'on est une famille, je fais. Je suis la seule à prendre cette initiative là parce que du coup, c'est la surprise pour tout le monde. Je fais un cadeau pour nous quatre. Ah, ce qui fait que c'est une idée de sortie, ça peut être l'année dernière je leur avais offert pour nous quatre deux séances bowling, donc on y avait été un soir. Ah, c'est pas c'est mal. Un c'est bon cool. d'achat ouais, et du coup ça permet d'avoir une activité tous ensemble. Et alors, moi j'aime bien les cadeaux utiles. Oui, c'est quoi les cadeaux utiles? Bah, par exemple, moi ça fait un an que j'ai déménagé et j'ai toujours pas de toilette. J'aimerais bien qu'on m'offre il fait passer un message. C'est pas possible. C'est la meilleure. Ah, c'est le rond-toilette, c'est la cuvette. La cuvette de toilette. Je n'ai pas de cuvette. Non, j'ai pas de cuvette. Oui, mais ça, c'est vrai. Tu penses que quelqu'un. Alors, quelqu'un arrive et t'offre une. Ah, je suis content parce que j'ai voulu en acheter une autre fois, mais plus de 40 euros. Ah, oui. Quoi, c'est 25 euros. Ah, non, mais c'est pas possible. Alex, toi. Oui, vas-y. Je vais répondre quand même à Georges parce qu'il s'avère que j'ai en surstock un ancien abattant WC, donc on peut en discuter après l'émission. Donc on était arrivé à la conclusion que après quelques années, il faille se faire des cadeaux communs, donc se mettre d'accord sur un cadeau qu'on s'offre. Ça rejoint donc, un peu ce que tu dis. Donc toi, tu n'as pas de surprise du coup. Bah, c'est-à-dire que c'était pas vraiment une surprise quoi. Ah ouais. Bah, non mais c'est on arrive à se faire des surprises quand même. Bah, nous par rapport dans une liste, je trouve que tu auras une surprise parce que tu sais pas plus ou moins. Mais où je rejoins François, c'est que enfin nous, ça fait plus de 20 ans. Bah 20 ans. Avec mon mari. Bah tu faut sais être plus. Hyper inventif, bah c'est quoi. Ça, donc tu vois. Voilà, donc d'accord Agathe, OK. Ah, donc quand tu auras 20 ans, on en parlera, d'accord. Il m'a fait mon mari m'avait demandé des pédales automatiques pour mettre sur son vélo. Ouais. Ah, oui, alors, oui, mais bon. Comment te dire Ouais, mais bon, si ça lui fait plaisir, ça je trouve pas. À la limite, encore une fois, s'il y a la surprise parmi tant, mais si ça lui fait plaisir. Alors, la battante shot, c'est quand même particulier. Ça, tu vois, la battante shot, c'est pour la famille. Non, mais les pédales, c'est pour lui. Les pédales, je veux dire, personne. Tiens, je veux dire, tu peux pas faire la surprise. Il y a des références, des trucs, des machins. Ouais, t'es obligé de chercher. Il est forcément au courant et c'est le côté un peu surprise qui manque après. C'est... Enfin, moi, je trouve. C'est l'art du cadeau que tu veux. Enfin, de l'emballage que tu vas faire. Ouais, c'est ça aussi. Je suis nulle. Ouais, oui. Alors, eh ben, tu vas développer tes alors compétences. Alors moi, maintenant, j'avais un sac de Noël que j'ai depuis 5 ans et je mets tout dans le même. Bah si, mais au moins au final, tu réutilises le sac et en plus tu peux pas voir la taille du truc et le deviner avant s'il est au pied du sapin. Tu vois, mais fais quand même des surprises. Bah, bien sûr. Tous les cadeaux, je les mets dans ce truc-là, ce qui fait que tu vois pas des fois le volume du truc, tu sais pas trop, ça te laisse encore une petite surprise. Moi, je triche aussi, je mets dans des énormes cartons. Oui, moi aussi, j'adore. Pour un tout petit cadeau. Alors moi, je faisais partie quand j'étais petit, par exemple. Je secouais les cadeaux, tu vois, comme ça. Moi, je secouais. Alors, t'avais des chaussures de foot. Je vais avoir un certain âge dans quelques jours et je continue à faire ça. Ah oui, alors. Et aller chercher. Et un jour, je secoue comme ça, je secoue fort. Oh, un hamster. Oh non, non. Il est encore en vie. J'espère qu'il est encore en vie. Mais c'est horrible. Non, c'est une blague. C'est une blague. J'ai testé en direct, ça marche. Non, moi, j'ai des cadeaux utiles. Oh, un paquet de lessive. Ah non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cet ovni? Les cadeaux glow. Oh, un paquet. Oh, la battante pour le shot. Oh, des pécules. Je suis trop content. Un paquet de trop content. Oh là là. Collier de pâte. Si aujourd'hui la moutarde, hein, ça ferait plaisir aux gens. Bon, allez, on poursuit cette émission, les amis, parce que on aura plein de choses à vous dire, évidemment. En tout cas, on espère que vous avez pu ouvrir votre cadeau, que vous en êtes satisfait. Ça fera plaisir. Tout du moins, le cœur y est quand on offre un cadeau. On poursuit avec, avec notre cher Valentin qui va faire sa liste, justement, mais là, des pires lettres d'enfants au Père Noël. Eh oui, je vous propose pour ce Noël une petite compilation des meilleures, plutôt des pires lettres de Noël au donc de la part des enfants. Donc on commence avec le numéro 1, l'enfant qui prend un peu trop la confiance. Alors je vous lis la lettre. Cher Père Noël, tu as des abdos, tu es bien foutu. C'est comment le pôle Nord? Tu galères pas trop avec la neige et le froid? Je t'aime. Est-ce que je peux avoir un lasso? Un étui pour lasso et un jouet pistolet Indiana Jones pour l'étui de luxe. Ton plus grand fan, Will. Non, mais il commence un peu en caïra comme ça. Puis après, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est exigeant. Il veut un lasso, un étui et un pistolet. Puis un lasso. Qui me permettrait, Valentin, au début de la lettre, j'ai cru que c'était une femme qui cherchait un homme. Moi aussi. Pourquoi? J'ai cru. Elle lui dit t'es musclé, t'es beau. J'ai pas mis si c'est un. Non, mais le lasso. Oui, c'est ça. C'est une lettre ouverte. Alors, la deuxième, ça en vient aux menaces. Tu ferais mieux. Avant qu'il le dise. Tu ferais mieux de m'apporter un poney cette année, ça va barder. Oh là là, c'est pas possible. Sinon, il faudra en payer le prix. Mais non. Oh, l'horreur du gosse. Oh, c'est déjà tortionnaire. C'est une femme, c'est une petite gamine. Ensuite, tu ferais mieux de m'apporter ce que je t'ai demandé, sinon je te parle plus. Ah ouais, d'accord. Sachant qu'elle lui parle qu'une fois par an. Faut déjà qu'elle le croise une fois. J'aime bien la lettre. Tu ferais mieux de m'apporter. C'était avant le scandale des lasagnes au poney. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Les lasagnes au poney. C'est pas possible. Alors, le troisième, l'enfant est carrément à la cool. Ouais. Cher Père Noël, si tu as envie de prendre une bière. Tu peux prendre le jack ou juste une. PS, le frigo est près de la porte de la part de Fleur. Ah oui, carrément. Oui, ah, c'est incroyable. Mais c'est des vraies lettres, ça. Oui, c'est des compilations. Ah oui, d'accord. Le Père Noël qui remonte dans la cheminée complètement bourré. Sublime. Ah non, mais c'est sublime. Avec un abattant de toilette. Non, mais tu ferais même amener un truc à passer l'année dernière, c'était de la merde. Ah ouais, elle était remontée. Donc là, elle était remontée. Alors la quatrième, c'est la gamine encore remontée à bloc. Cher Père Noël, alias papa et maman. Je vous et Noël, vous avez tout gâché. Et enfin, la dernière, c'est la numéro 1. Tu vois, c'était ça, c'était juste la lettre. Ouais, c'était ça. Juste ça, ouais. Alias papa et maman. Ah oui, non, mais c'est... Alors, celle-ci, elle est très drôle aussi. Hein. Alors, quand le gamin pose des règles de base pour se faire respecter dès le début. Père Noël, c'est pas la première fois que je te le demande. L'an dernier, je te le dis aussi, c'est important. Mais merci de ne pas fouiller dans mes affaires. Merci, t'es le meilleur. C'est l'obsessionnel, lui. Hein. Alors, c'est bon. T'as dérangé mes pulls l'année dernière en voulant cacher les cadeaux. Non, mais c'est très drôle. Non, mais le coup du poney. Non, mais alias papa-maman, c'était aussi. C'est bon, arrêtez de vous cacher, j'ai compris. Bon, bah, c'est très drôle. D'ailleurs, tiens, suggestion d'Agathe. Hein, voilà. Jacques Dutronc, la fille du Père Noël. C'est un peu rock'n'roll aussi, ça. On aime toujours, évidemment, bon réveil et... Joyeux Noël. On peut déjà lever tête. La cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur, c'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu bleu. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois. Dans la cheminée y'avait pas son père. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. La nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit d'une patrie, c'est le bye bye au hasard. Jacques Dutronc, la fille du Père Noël. Radio Fadjet vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Même les enfants sont auto-tunés. Aujourd'hui. C'est vrai, on tune les enfants. Hein, ça leur fait pas de mal. D'ailleurs, les amis, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Hein. On avance comme ça. Mais après, il faut préparer le repas de Noël. Je veux dire, hein. Ah oui. Il faut quand même se mettre au fourneau, comme on dit. Je vais laisser la parole à Agathe. Ben avec ce beau jingle. Tu vas nous parler de quoi d'ailleurs? Je ne sais même pas. Eh bien, de cette chanson que nous venons d'écouter, La D'accord. fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Ah. Parce que moi, voilà, mon avis, mon opinion, ouais. c'est la chanson ultime de Noël. C'est vrai? Ah ouais, je trouve qu'elle est géniale cette chanson. Ah bon, d'accord. Donc voilà, je voulais vous parler de Jacques Dutronc. Donc Jacques Dutronc, c'est un auteur, compositeur, chanteur, acteur français, connu pour des titres tels que Il est 5 heures, Paris s'éveille, J'aime les filles, Fais pas ci, fais pas ça, ou encore L'opportuniste. Le petit jardin, j'adore le petit jardin. Ah bah voilà, c'est voilà. Petit jardin. Pas du tout. Qui sentait pour le métro. Ah oui, d'accord. Et puis, le générique d'Arsène Lupin. Ah oui. Mais il y en a tellement des cultes. Après, Jacques Dutronc, monument de la chanson française. Quoi. Exactement. L'hôtesse de l'air. Voilà. C'est Babi, j'avais une hôtesse de l'air. Bisous Maud, si tu nous écoutes. Donc le titre de off. Jacques Dutronc, La fille du Père Noël, est sorti en 1966 sur l'album Et moi, et moi, et moi. Il s'agit par ailleurs du premier 33 tours de Jacques Dutronc. Il contient des titres très très connus tels que Les Cactus, Et moi, et moi, et moi, ou encore Les Playboys. Donc ce titre raconte la rencontre et les amours improbables entre Jean Balthazar, le fils du père Fouettard, incarné par Jacques Dutronc lui-même, et Marie-Noël, la fille du père Noël. C'est une sorte de conte de Noël qui tourne mal, et surtout une chanson qui n'est pas pour les enfants, puisque le comportement de Jean Balthazar n'est pas exemplaire. N'oublions pas qu'il la jette dehors quand il apprend qu'elle n'est pas intéressée par lui. Pour citer la chanson, justement... Jean Bâtard, plutôt. Voilà, exactement. C'est joliment dit. Pour citer la chanson, comme je ne pouvais pas prendre son cœur, je l'ai remise sur le palier. Ce titre n'a donc pas de fin heureuse, comme les chansons classiques de Noël. Donc les paroles ont été écrites par Jacques Lanzmann, écrivain, scénariste, peintre et auteur pour des artistes tels que France Gall, Régine, Pascal Obispo ou encore Johnny Hallyday. La composition et l'arrangement musical ont été réalisés par Jacques Dutronc, qui a choisi un riff de blues très simple, mais vraiment efficace, qui se marie parfaitement avec la batterie. Donc comme dans les histoires racontées aux enfants, le Père Noël apporte les cadeaux aux gens qui ont été sages et gentils, alors que le Père Fouettard, comme son nom l'indique, fouette les gens qui ont été méchants. La fille du Père Noël est un vrai classique puisqu'il a été repris plusieurs fois. Donc la version la plus connue est évidemment celle de David Bowie. Je ne sais ah pas bon si vous le saviez. C'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment une reprise à proprement parler, mais la chanson Gin Ginny, pour ceux qui connaissent, ah, oui, sortie en 1972 de David Bowie, est inspirée de La fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Excellent. Si vous écoutez le. Ah voilà. Ouais, maintenant que tu le dis. Donc le chanteur britannique a repris le son en changeant la tonalité avant de rajouter ses propres paroles. David Bowie a reconnu cette reprise du son en ajoutant que le Gin Ginny dont il parle est inspiré de Jean Genet, un dramaturge français de la première moitié du XXe siècle. Eh ben, je vous aurais appris quelque chose. Il y a une autre version, celle de Arnaud, chanteur belge, en featuring avec Beverly Jo Scott, chanteuse américaine appelée Jean Balthazar, avec deux A et trois R. Cette version, sortie en 1999, est un medley de La fille du Père Noël de Jacques Dutronc et de Gin Ginny de David Bowie en version rock. Elle contient également un vocodeur, c'est un dispositif électronique qui analyse les sons et permet de synthétiser la voix. Et finalement, la version la plus récente, c'est celle de Clara Luciani. En 2018, la plateforme de streaming musical Deezer a demandé à des artistes contemporains de reprendre des titres pour une playlist intitulée Le Grand Noël. Clara Luciani a décidé de reprendre la chanson de Jacques Dutronc et de l'adapter à elle, puisqu'elle devient donc le personnage principal au féminin. Jean Balthazar devient donc Clara Balthazar et Marie-Noël devient Martin Noël. La chanson a par ailleurs très bien marché et depuis le 14 décembre 2020, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, c'était ma petite chronique. Écoute, ouais, super. Merci beaucoup. C'est le jour de Noël. Ces enseignements, ces anecdotes musicales. Ouais. Moi, j'ai aussi envie de vous cultiver musicalement parlant à ma hauteur, à moi, hein, c'est-à-dire la hauteur des campings. qui est ce groupe? C'est la Macarena. Ouais. Ah, Los del Rio. C'est Los del Rio. Ouais. Et alors là, c'est la Macarena Christmas. Oh non. Regardez-moi ce truc, je te promets. Je te promets, c'est sorti, évidemment. J'ai envie de vous faire écouter ça au moins une minute, hein, qu'on découvre cette joie. Los Del Rios, la version Christmas de la Macarena, quand même. Hein, c'est fabuleux. Ça passe dans tous les campings à Noël, c'est-à-dire tous les campings fermés. Fermés. Et là, c'est l'occasion de danser. Que pensez-vous de cette version? C'est génial. Bah, que pensez-vous de cette version? J'ai quelqu'un à ma gauche qui a, c'est qui a apprécié. Alex, il a bon. Déjà que j'aimais pas, sublime, déjà que j'aimais pas l'original. Non mais ils ont juste mis encore une fois on dit des grelots. Oui. Et puis ils ont exactement fait la même chanson, la Macarena Christmas, qu'ils appellent ça, c'est un remix, mais elle a vraiment existé, hein, les amis. C'est pas moi qui l'ai inventé. Elle a vraiment existé. Hein. Mais tu sais quoi, Françou? Oui. Ça va me donner une idée pour une chronique de la rentrée, c'est que je vais mettre des grelots sur plein de chansons. Ah, ouais. Improbable. Des grelots à la place des paroles de chansons. Peut-être, ouais. Ah, mais, et il faudra qu'on trouve. Très très triste, genre, un Barbara aigle noir avec les petits grelots. Joyeux Noël, vous êtes sur Fadjet. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël. Ah oui, les amis, on revient à notre émission, notre matinale spéciale. On a quand même donné pas mal de bonne humeur. Moi, j'ai rigolé beaucoup. Hein, je rigole beaucoup. Bah, nous hein. Aussi, ah oui, je ris à gorge déployée. Il nous reste une dizaine de minutes. Et alors, je sais qu'on passe souvent Noël un petit peu à la maison, mais il y a peut-être potentiellement des petites sorties à faire, des choses à faire. Alors, je sais pas si vous avez parcouru un peu les. Il reste encore quelques jours, hein, mais les différents chalets, les différents marchés de Noël un peu à Nancy. Je pense que ça a eu son succès cette année. Hein. J'ai l'impression quand même que les gens ont participé aux festivités en règle générale, même la Saint-Nicolas. Hein, c'était beaucoup de monde. Alors évidemment, il y a eu la Coupe du Monde entre temps, qui a aussi ramené du monde. Mais voilà, l'esprit de Noël est encore là et il est encore là, je crois, à Nancy jusqu'au 3 janvier, si je ne m'abuse. Oui, le jour de la rentrée des enfants. C'est ça. Voilà. Et toi, tu nous suggères moi, quelque chose? Je vais vous proposer une expo au Musée des Beaux-Arts, ouais, qui se déroule depuis le 19 novembre et qui se terminera le 19 mars. À savoir que le Musée des Beaux-Arts est ouvert pendant toutes les vacances de Noël, sauf bien évidemment aujourd'hui, le 1er janvier et tous les mardis. Et l'exposition temporaire qui est proposé s'appelle Architecture. Donc c'est quoi cette exposition? En fait, dans cette exposition, on nous explique que l'architecture a quand même des principes très très figés, ouais, avec des choses qu'on pense complètement irréalisables. Eh bien en fait, non. C'est une exposition kaléidoscopique qui est présentée et qui explore les multiples voies empruntées par les artistes de la Renaissance à aujourd'hui. En fait, cette exposition offre plusieurs résonances avec la littérature, la photographie, le cinéma et le jeu vidéo. Et en fait, on est complètement immergé dans un univers qu'on ne maîtrise pas forcément quand, ouais, on ne s'intéresse pas à ce domaine qu'est l'architecture. Et donc, on nous propose plusieurs formes d'architecture à l'intérieur de tout le musée. C'est un peu comme l'exposition La distance abolie. C'est un peu comme des petites virgules comme ça au niveau des grands classiques. D'accord. Donc, c'est bien. On peut faire ça en famille en plus. C'est très intéressant. C'est sur la place Stanislas, donc à côté du Grand Sapin. Ça, ouais, ne gâche pas son charme. Et le musée est ouvert de 10h à 18h. Donc, je la propose parce qu'elle est plutôt sympa, elle est assez ludique pour les grands, ouais, comme les petits. Jusque quand t'as dit? Jusqu'au 19 mars 2023. Oui, donc il y a un petit peu de temps. Voilà, oui, et là, comme c'est les vacances. Mais t'avais pas une autre sortie? Si. Ah. Alors, j'ai une sortie organisée par la bibliothèque municipale de Tomblaine. C'est un peu plus tard, c'est le 21 janvier. La galette est un petit peu digérée, quoi. La galette est digérée, et fort heureusement. C'est dans le cadre de la manifestation nationale des Nuits de la Lecture. Ouais. Sur le thème de la peur cette année. Et la bibliothèque organise une manifestation sur le thème de la peur, hein, non pas dans la bibliothèque, mais dans un lieu tenu secret jusqu'à la fin, parce qu'on va emmener les personnes qui vont s'inscrire avec des torches spécifiques dans la nuit, justement. Pour leur faire faire. Non, ouais, ils vont vraiment avoir très peur. Ah oui. C'est l'objectif. C'est vrai que la nuit de la lecture, ça fait quelques années là, que ça prend. Ouais, mais là, on va faire un truc un petit peu plus original. Donc, il y aura des. Explique-nous comment alors. Il y aura des. Déjà, il faut se préinscrire à la bibliothèque. D'accord. Directement, soit en appelant, soit en venant. On n'est pas obligé d'être adhérent. C'est ouvert à petits et grands, donc des plus jeunes aux plus anciens. Et l'objectif, c'est qu'on puisse faire aussi un petit peu d'intergénérationnel autour des manifestations littéraires. Donc il y aura une table ronde avec des coups de cœur littéraires, que ce soit roman, BD, manga ou même livre jeunesse. Des heures du conte pour petits et grands, parce qu'on est en train de travailler sur des contes et légendes de Lorraine qui font peur. Et puis il y aura un petit peu des conversations autour de la peur, avec des animations, des petites marionnettes qui vont aborder les thèmes de la peur, et surtout il y a un goûter qui est organisé. Je viens pour le goûter, moi. Voilà, donc c'est le 21 janvier à partir de 16h30, ça se passe devant la bibliothèque de Tomblaine, et vous pouvez nous contacter au 03 83 29 78 86. Mais peut-être pas ce matin, du coup. J'appelle. Et pas ce matin. Eh bien sûr, évidemment. C'est José et José. C'est José Feliciano. Avec la musique préférée de fin d'année de Sarah. Ah oui, c'est... j'adore. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ah, il chante, hein. Feliz Navidad. Prospero año y feliz Navidad. C'est parfait. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz. Ah bah oui, hein. José Feliciano, Feliz Navidad, ça fait... c'est entraînant, hein, c'est quand même entraînant. Ah, moi, j'adore. Bah oui, elle est bien ça, ça. Feliz Navidad. Feliz Navidad, évidemment. C'est ouais, et c'est joyeux, bien, c'est Noël. Joyeux Noël sur Fadjet. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël. Alors, les amis, il nous reste plus que quelques minutes, hein, 2 heures d'émission ensemble, et après, on vous laisse, eh bien, profiter de cette journée de Noël. Vous avez la possibilité aussi de rester évidemment à l'écoute, hein, des programmes de Fadjet, et auquel cas, vous retrouverez aussi toute l'équipe, eh bien, à la rentrée à partir du 3 janvier pour les émissions en direct, et la matinale aussi reprendra ses pénates, évidemment, de 7h à 8h30. Tiens, je voulais vous donner quelques traditions un peu insolites de Noël. Oui. Au Mexique, attention, oula, c'est un festival un peu spécial dans la région d'Oaxaca, se tient chaque année le 23 décembre, un festival d'art, la Noche de Rabanos. Littéralement, la nuit des radis. Oh là. Alors, au cours de ce festival, les Mexicains exposent des œuvres d'art réalisées avec de très très gros légumes coupés en morceaux et juxtaposés pour créer des sculptures. Et chaque année, une centaine de concurrents participent à la compétition. C'est une tradition ancienne qui date du 16e siècle et elle est liée à l'histoire coloniale du pays, donc des sculptures en radis. Hein, je sais pas si ça vous inspire. On va filer aussi en Norvège. Tu parlais un petit peu de la peur et les Norvégiens croient que les mauvais esprits provoquent les humains au cours de la nuit de Noël. Et selon la croyance populaire, c'est au cours de cette nuit-là que les sorcières sortent et volent les balais qui leur serviront de s'envoler dans la nuit. Et du coup, il est de coutume que les Norvégiens cachent tous leurs balais. Je ne sais pas où et je ne veux pas le savoir. Et serpillères pour éviter qu'une sorcière ne leur vole. Ouais, les serpillères aussi. Hein. C'est genre, il n'a plus d'abattant, il n'a plus de lunettes pour les toilettes. C'est la sorcière WC, évidemment, qui lui a piqué son abattant. Si elle peut lui rendre, ça lui sera certainement utile pour cette nouvelle année 2023, évidemment. Avec le paquet de lessive qu'elle a piqué. Je me dis que moins il y a de support, moins il y a de bactéries. Alors, il y a une coutume un peu sexiste aussi en République tchèque, les amis. Alors, si on trouvait l'âme sœur aussi à Noël, on terminera là-dessus. En République tchèque, on y croit fort et on met toutes les chances de son côté grâce à une étrange tradition. La coutume veut qu'une femme célibataire se place face à une porte et lance une chaussure par-dessus son épaule. Un peu comme une pièce de monnaie dans une fontaine. Si la chaussure retombe la pointe en direction, alors c'est spécifique, hein, de la porte, la femme se mariera l'année suivante. Et si le salon, il y a une chance sur 1 million. En espérant que personne n'ouvre la porte, voilà, brutalement, ou quelqu'un passe devant. C'est ce que j'allais dire, c'est que si le talon pénètre dans l'œil de l'habitant de la maison, tu auras perdu toutes tes chances, évidemment, les amis. Eh bien voilà, cette émission se termine. On a passé un agréable moment, n'est-ce ouais, pas super, ah, on s'est bien amusé ensemble ouais. pour ouais. Noël. On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Il y aura aussi le programme du 31, évidemment, sur les ondes de Fadiette. On se retrouvera en direct à la rentrée. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous embrasse, n'est-ce pas? Gros bisous. Allez, des bisous à tout le monde et joyeux Noël.